Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Bonsoir amateurs de musique progressive, c'est l'émission Terra Incognita de 22h à minuit en cette édition du 4 août 2012 et vous êtes en compagnie de Jean-François et Bruno et je pense qu'on va passer un bon 2 heures avec toutes sortes de bonne musique progressive et on va jaser aussi un petit peu de ce qui se passe sur la scène progressive. On est encore un petit peu sous le choc de Wall là, qui a été vraiment extraordinaire, un spectacle grandiose. On se demande comment qu'on peut faire plus gigantesque que la production qui nous a été présentée par M. Water, qui, bon, à part un petit discours un peu anarchiste, là, disons que il s'est forcé quand même pour parler en français et ça a été fortement apprécié. Et bon, la musique progressive continue et ça se passe plutôt bien. On va commencer avec un premier bloc, où ce qu'on va entendre du Citizen Kane, un disque qui est très intéressant, Skies Darken, qui mettait fin à une dizaine de plusieurs années. Et je trouve de belle façon, mais il me semble qu'on a passé un petit peu vite sur ce disque-là, c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus. Et après ça, on va entendre une pièce de Franck Dervieux qui a ressorti, ben, en fait, sur Prog Québec, on a ressorti son album Dimension M. Et finalement, 12 Night, qui a passé un peu vite, un petit peu au Nirfest, parce que, bon, disons que peut-être le niveau était très élevé, puis... Mais par contre, j'ai trouvé une bonne pièce, là, qui est extraite d'un sampler, là, qui s'appelle New Species Volume 3, qui s'appelle Foreign. Mais on va commencer avec une pièce qui s'appelle The Haunting of Johnny Yu, de Citizen Kane. Out hunting for morsels in the night, gazes up at Artemis bathing in the light. Yet unbeknownst to him a wolf stirs. The morsel that he seeks now reversed. For morsels in the night, shies away from Artemis, hiding from her light. Yet unbeknown to him a man stirs. The morsel that he seeks now reversed. We'll Thank you. left in the corner, can I get back? And all those knives and bishops popped up by the knees have led the king to somewhere yesterday. Dressed like honeybees, just told you you're trapped inside candles and lies feeds upon your candle flame. Would you hide? So I walk towards them to touch their naked light, and now a honeybee out. I entrapped us by candles. Put your heart upon your knees. It's time to take your role in the river, washed out into the sea. In our own land made of oblivion, held fast in prison, cast out for all to see. In our own land made of oblivion, spinning round in circles, spirals underneath. In our own man-made oblivion.

Un petit geste d'amitié pour une grande radio. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Pourquoi? Et nous sommes de retour avec un premier bloc qui s'est bien terminé avec 12 Nights. Je vais finir par me laisser gagner. C'est un groupe pour lequel j'ai toujours été un peu imperméable. J'ai des disques de 12 Nights et je me suis jamais laissé gagner par ce groupe-là. Et bon, j'en parlais à la dernière émission. J'ai assisté au Nirfest et j'ai quand même aimé la deuxième partie de leur prestation. Mais peut-être pas pour tomber sous le charme, là. Par contre, une pièce comme ça, Bruno me disait que ça y rappelait des bons souvenirs et sans pouvoir mettre le nom sur la pièce, c'est Fjord Ellen One en concert. Et bon, c'est une bonne pièce, hein, je pense. Et juste avant ça, c'était Frank Dervieux, Dimension M, avec la première pièce qui rouvre cet album-là, qui s'appelle Pour Moebius. Et c'est quelqu'un qui m'était un petit peu inconnu, mais j'entendais souvent parler Marc et Michel de cet album-là, un album mythique. Puis il était tout content de voir que ça finissait par sortir. Et dans les rangs de ce groupe-là, on retrouvait des gens qui se sont qui ont formé par la suite Contraction. Et en écoutant cette pièce-là, on comprend un petit peu pourquoi. On dirait qu'il y a des influences de Contraction dans cette musique-là. Je pense que le fait d'avoir participé à ce groupe-là, ça les a aidés à former leur groupe par la suite. Et la pièce d'ouverture, c'est Citizen Kane de l'album Skies Darken. Ça ouvrait drôlement bien, The Hunting of Johnny Yu. Et maintenant, on va y aller avec Van der Graaf Generator, qu'on a vu pas simplement cet été, à trois concerts, Nirfest, Québec, le 2 juillet, un très très beau concert, et un autre à Montréal, à la Place des Arts. Et ils ont eu la bonne idée de ressortir, en fait, de le sortir, parce qu'il n'est jamais sorti comme tel, Recorded Live in Concert at Metropolis Studio. C'est apparu sous forme d'un DVD qui faisait partie d'un package pour une prestation presque privée dans des studios justement du Metropolis qui avait lieu en décembre 2010. Et c'était un DVD que moi j'avais trouvé très intéressant, mais là on le sort en format 2 CD et DVD. Attention par contre, je sais pas si ça existe en PAL, moi la version que j'ai c'est en NTSC, pardon, le format qu'on peut entendre ici. Moi ce que j'ai entre les mains c'est en format PAL, j'ai l'impression que c'est la seule version qui existe, mais c'est un package qui se vend pas très très cher. Et on va entendre la pièce « Childlike Fate in Childhood End ». Moi, je trouve que c'est une des plus belles qui a été faite par Van der Graaf Generator. Et dans un format trio comme ça, moi, je trouve que ça sort très, très bien. C'est toujours aussi intense. Donc, on y va avec Van der Graaf Generator immédiatement avec Childhood Fate. Existence is a stage in which we pass. A simple trick for mind and heart. It's hopeless. Go and try to make a start, but seeing something more than day to day, survival chased by final death. If I believe this, the sum of the life to which we've come wouldn't waste my breath. Somehow there was a time when more was felt than known, but now entrenched inside my set, in like more mundane sort round my brain, we live, we die, and yet in the beginning there was an order and destiny, but now the heart has reached the border and on our knees. future, whatever it be. Oh, the forces which hold us in place, lost through eons in unruffled grace, we too wear the face of creation. As anti-matter sucks and pulls in periodically, the bottom falls the bloom is dead, all space is history. Yet we're alive, and though I see no God to save us, yet we survive. Through the centuries of progress, it's no matter of very far. Illusion, call it bogus, we don't yet know what we are. Yeah! burn, Buck! écoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. C'est maintenant le temps de soumettre vos projets radio pour la prochaine saison. Faites vite, vous avez jusqu'au 13 août. ckrl.qc.ca. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Stout Impérial. La sangribière. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. India Pale Ale. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. La rousse forte aux fruits. Ici Michel Marcoux de La Barberie. Dans le cadre de la quatrième édition de la Journée québécoise de la bière, dont le thème est « Je partage ma bière », La Barberie vous invite le 11 août à faire découvrir votre bière préférée à une personne de votre choix en lui offrant un galopin à prix réduit. Le galopin est un sympathique petit verre de bière de 5-11, idéal pour la dégustation en toute modération. Participez à la Journée québécoise de la bière en visitant La Barberie au 310 rue Saint-Roch ou informez-vous sur labarberie.com. Cet été, les 22 parcs nationaux du réseau Parc Québec vous invitent à pratiquer vos activités préférées. Que ce soit pour une journée en rando, un week-end en canot ou un séjour en camping, la nature vous donne rendez-vous. Laissez-vous surprendre, émerveiller. Près de 500 activités de découverte vous feront voir la nature autrement. Voyez nos suggestions sur parcquebec.com. L'Ampli lance un appel de candidature aux artistes de la relève musicale pour la prochaine cuvée de son volet pro. Vivez un encadrement d'une durée de 10 mois et propulsez votre carrière. Consultez la section volet pro du site pour tout savoir. Devenez membre de l'Ampli et rendez-vous sur amplidequebec.qc.ca. 88 977 97 64. L'Ampli remercie l'incubateur de musique francophone, Sillon le disquaire, Archambault, Voir Québec et CKRL 89.1. L'Ampli est piloté par le Carrefour Jeunesse Emploi de la capitale nationale et est rendu possible grâce à la participation financière de la Ville de Québec. Ce soir, au 89.1, à 22h, c'est l'émission consacrée au néo-progressif avec Michel Bilodeau, Marc Chaunet, Bruno Côté et Jean-François Lamarre dans Terra Incognita. Et dès minuit, c'est l'Autoroute, émission rock, prog et psychédélique des années 60 et 70 animée par Stéphane Villeneuve. Bonne soirée sur CKRL. Et la belle auto-promo qui annonce notre émission Terra Incognita. C'est sûr, ça nous fait toujours un petit velours là, de l'entendre. On n'avait pas d'auto-promo jusqu'à maintenant. Quoique ça nous fait sourciller un petit peu quand on entend néo-progressif. On n'est pas sûr qu'on rentre exactement dans ce moule-là. Là. Bruno me regarde puis je pense qu'il est assez d'accord. D'ailleurs, quand on entend Pandograph Generator avec une pièce comme Childlike Fate in Shadowland, je pense qu'on ne rentre vraiment pas dans ce moule-là. N'empêche, c'est quand même une bonne chose d'avoir une petite pub pour annoncer notre émission. Qui d'ailleurs, je pense, ça fond bien aussi avec l'émission qui nous précède avec Vincent. Et bon, on est toujours bien content. D'ailleurs, il nous a remplacé la semaine dernière et je pense qu'il a fait une bonne job. J'ai entendu une bonne partie de l'émission et franchement, ça m'a plu. Ça faisait plaisir d'être l'autre bord du radio, contrairement à cette semaine. Quoique ça se passe bien aussi. On a terminé ce bloc-là avec Solstice, un bon groupe qu'on a apprécié dans les années 90 avec un album comme New Life. Là, ce qu'on a entendu, c'est Brave New World en concert. Et c'était toujours extrait d'un petit sampler là, qui s'appelle New Species Volume 3 qu'on trouve, entre autres, dans le magazine Progressis, mais c'est tiré, je pense, à 30 ou 40 000 exemplaires, donc on le retrouve aussi à d'autres places. Juste avant ça, c'était un groupe que je découvre sur une compilation, là, et ça s'appelle KRTL, la pièce est Soda, et ça vient d'une autre compilation qui s'appelle Tripwave. Et moi, je trouve ça intéressant, puis c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous autres. Et comme je disais tantôt, on a débuté avec Vandergraaf Generator. Et quelle intensité, hein? C'est vraiment un groupe qui a toujours sa place. D'ailleurs, je pense que les gens qui étaient là au Palais Montcalm ont beaucoup apprécié aussi ce concert-là. Un groupe qui est relativement nouveau, quoique il y a plusieurs albums, c'est Gazpacho. Et je pense qu'on... on gagne à connaître ce groupe-là qui me semble de mieux en mieux. Et Mass of Gold, moi je trouve qu'il y a un petit air celtique qui me plaît beaucoup. Et moi je crois que ce groupe-là, on va en entendre parler de plus en plus. Et sans dire que ce March of Gold et of Ghost est meilleur que les autres d'avant, on dirait qu'il m'accroche un petit peu plus, ce qui me surprend un peu. Bon, je vais vous laisser vous faire une idée là-dessus. On va entendre Hell Freeze Over One. Il y a plusieurs pièces comme ça, on se rend jusqu'à 4. Et après ça, on va y aller avec Sunchild, qui est une autre réalisation d'Anthony Kalugin. Qui fait un tas de production avec sous son nom Carthagen et bien d'autres choses. Ensuite, les omniprésents Flower King avec le disque bonus de l'album Banks of Eden. Et ce dernier bloc va se terminer avec It Bites. Un drôle de groupe qui existe depuis plusieurs années et qui fait, lui, vraiment néo-progressif. Alors, à ce moment-là, l'étiquette tombe très, très bien. Et le dernier disque qu'ils ont sorti, Map of the Past, les gens apprécient beaucoup, tout comme l'autre qui avait sorti avant. Faut dire qu'il y a John Mitchell qui fait partie d'Arena, qui fait partie de ce groupe-là, qui a pris un petit peu le contrôle du groupe et ma foi, c'est une bonne chose. Ça a donné un petit peu plus de vie, une guitare un peu plus mordante. Et bon, histoire de vous donner une petite idée, on va entendre la pièce Meadow and the Stream. Mais on commence avec Gazpacho. Thank you. go on anyway now, but no, you're not alone. Dark sails cruise through these waters in the fog of memory. Thank you.

et Eric Clapton, pas en même temps, mais disons dans sa dernière mouture, on parlait de Jimmy Page. Et après la dissolution des Yardbirds, Keith Ralph, avec sa compagne Jane Ralph, ont formé Renaissance, qui ont très peu à voir finalement côté formation avec celle qui officie sur Prologue. En fait, il n'y a aucun membre qui seront communs dans les deux formations. Par contre, dans la première, on retrouvait John Hawken, qui a fait partie des Strubs par la suite. Et donc pour l'instant, on va entendre deux très belles pièces, dont une qui provient de Prologue, disque que je redécouvre parce que il est très très bien remixé. C'est une version de 2010 sur Répertoire Record. Et moi, c'est comme si je faisais la découverte de ce disque-là, tellement le son est différent et très bien mixé, très bien remasterisé. Donc c'est à conseiller. On va entendre la sixième pièce qui s'appelle Raja Khan et ce sera suivi de Mother Russia qui cette fois-là est extrait d'un enregistrement beaucoup plus récent, c'est-à-dire Live in Concert en 2011. Donc on y va avec Renaissance. Thank you. pays the price, works the seasons through. Frozen days, he thinks of you. Cold as ice, but he burns for you. Mother Russia, can't you hear? Mother's son, freedom's overdue. Lonely man, he thinks of you. He isn't done, all he lives for you. Mother Russia, can't you hear him too? Punished for his written thoughts, starving for his fate, working blindly, building blocks, number for a name. His blood flows frozen to the snow. Red blood, white snow. He knows frozen rivers fall.